Nous avons vu en quoi est-ce que Dagobert pouvait être considéré comme un mauvais roi, mais en même temps, nous n'avons qu'une vision finalement biaisée de cet aspect du roi comme étant un mauvais roi, puisque au fond, nous n'avons que la vision des grands du royaume, des seigneurs qui ne supportaient pas de voir leur pouvoir rogné sous le règne de Dagobert, ainsi que de l'Église, qui ne supportait pas elle-même d'être soumise à l'impôt. C'est en effet, on est dans une France qui est quand même très médiévale, très féodale, et les pouvoirs locaux sont très puissants, alors que le pouvoir royal a tendance à diminuer de plus en plus. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir en quoi Dagobert a été aussi un bon roi. Machiavel, au XVIe siècle, reconnaît que la vertu essentielle du prince, c'est de savoir s'entourer de sages conseillers. Et Dagobert, sur ce chapitre, est un bon roi, en ce sens qu'il a su s'entourer des bonnes personnes. Il est aussi, Dagobert, lucide. Donc il est lucide sur ses limites, ce qui est aussi une vertu nécessaire lorsqu'on veut gouverner. Et donc, lucide, Dagobert a conscience que le pouvoir lui glisse entre les mains. Dans un royaume franc de plus en plus bouleversé par des ambitions personnelles, par des grands qui veulent imposer leur vision du monde. S'il doit beaucoup d'ailleurs à l'aristocratie austrasienne, à ses grands justement, à Pépin de Landen, à celui qui deviendra l'évêque de Metz, Saint-Arnoul, qui lui ont appris le métier de roi, il se méfie d'eux et les chasse de sa présence, quitte à se faire passer pour un fou d'ailleurs. Arnoux comprend qu'il doit repartir discrètement en Austrasie lorsqu'il entend le roi excessivement sentimental lui dire qu'il tuerait toute sa descendance s'il le quittait. Lorsque Dagobert met sur le trône d'Austrasie son fils de 3 ans, Sigebert, en 632, il remplace à la mairie du palais Pépin de Landen par Adalgisel, qu'il juge moins ambitieux. Par contre, plus confiant dans la loyauté des Neustriens, mais aussi des serviteurs de son père, il s'entoure de conseillers prestigieux qui viennent de cette région de Neustrie, le Limousin Saint-Éloi, gallo-romain, qui deviendra grand argentier du royaume, et le francilien Saint-Ouen, d'origine d'ailleurs bavaroise, référendaire, chef de la chancellerie, en charge de superviser la rédaction donc de tous les textes légaux. C'est un peu le premier ministre. Ayant servi Clotaire II, il sert Dagobert avec un désintéressement admirable depuis son palais de Clichy, et ils devront subir avec une patience tout aussi admirable les sautes d'humeur d'un roi inconstant dont le comportement parfois tyrannique masque un défaut d'autorité. Dagobert, bon ou mauvais roi? Eh bien, la question ne peut pas être complètement blanche ou noire. Elle n'est qu'en demi-teinte. En effet, l'auteur du Frédéguerre, si on se rapporte à lui, le Frédéguerre est une chronique qui accompagne la prise de pouvoir d'ailleurs des rois carolingiens, des carolingiens, à la fin du règne des Mérovingiens, et elle est rédigée d'ailleurs pendant la seconde moitié du 8e siècle. Compare Dagobert avec le roi Salomon. Si son règne a bien commencé, il a très mal fini. N'écoutant que sa passion pour les femmes, il a multiplié les partenaires, rétablissant au passage l'institution des concubines royales. Aurène, Gommatrude, Nantilde de Bobigny et Wulfgonde s'ajoutent les concubines Berchilde, Rognatrude, mère de Sigebert, et Ulfgonde. Comme le roi Salomon, poursuit le chroniqueur du Frédéguerre. Le royaume franc subira la conséquence de ce péché d'infidélité et donc le royaume franc sera donc partagé, non du vivant de Dagobert, à cause de la fidélité justement à la mémoire de Clovis, mais du vivant de ses fils. En effet, lorsque Dagobert meurt en 639, il laisse 2 enfants, Sigebert, 8 ans, et Clovis, 2, 4 ans, à la tête d'un royaume convoité par des mères du palais dont l'ambition personnelle est de moins en moins cachée. Merci et à bientôt.